Look for the Gummy Bear album with lots of music, videos, and extras. Dans l'île soleil, dans l'île merveille, y'a des avant-fleurs, des dragons sous fleurs, et tous les enfants, on passe le temps. Soubi tam tam des bongos, des bongos, du tomba en chantant cette air-là. 1, 2, 3! Chaud cacao, chaud chocolat. Si tu me donnes des noix coco, moi je te donne les ananas. Chaud cacao. Tu sur un train. So cacao, so cacao.